need school. Mama, I don't want to go to school. Mama, I don't want to go to school. I want to go to school. Want to go to get mommy. But no drones up in the sky. How would you get me through? Quand y'en a plus, y'en a encore. Quand y'en a plus, y'en a encore. Encore, pour l'instant. Experiment again. No hope. About to create situations, about to plan to test, experiment. Thank you. Thank you. À peine enrichi de la pâtue. Michel Apathy, qu'est-ce qu'on en... Middle class héros de l'an 2020 3 2020 0 3. Inflation en flèche. Est-ce que t'y crois? Paris même. C'est parti, c'est la guerre. Paris. Et je crois et je... Tension sur les matières premières. Inflation, inflammation, et je ris et je spécule, spécule, spéculation. Ça tire des profits à nouveau. Ça te promet le gasoil à 2 euros. Faut pas rêver, enculé. Gogolou va tout cramer. Les prises en otage.